sont possibles avec localement un coup de tonnerre sur l'ouest et le centre du pays. L'ambiance est plutôt fraîche, plus fraîche d'ailleurs que les jours précédents, 2 à 4 degrés sous les normales. Les nuages se multiplieront demain matin également, parfois accompagnés d'averses. Les lignes d'averses concerneront surtout l'intérieur des terres après-midi. Elles pourront prendre un caractère orageux à la mi-journée, maxima de 15 à 18, voire localement 19 degrés. Montagne, mer ou forêt cette année? Avec Jaspers, l'exclusif Adria, plus besoin de choisir. À vous la liberté. Le matin, la montagne. L'après-midi, en forêt. Et les pieds dans l'eau en fin de soirée. Camping-car, motorhome, caravane, accessoires, tout pour des vacances rêvées. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. Ne soyez pas hors jeu. Préparez vos vacances avec Jaspers. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be. Avec la DH et Moustique. Vivacité présente le village gaulois. Au son des cigales, une farandole de produits français et wallons à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et cette année, une formule goûteuse et pas chère de lunch gaulois tous les midis. Le village gaulois au cœur de Liège. Faisons la fête du 23 juin au 17 juillet. Ouvrez la bouche et dites ah. Bougez les yeux. Et toussez maintenant. Vous êtes en pleine forme. Un petit bonbon. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit de votre voiture pour des vacances sans souci ou pour la revendre au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Merci d'écouter Vivacité. Bon après-midi, les 15h. Le flash présenté par Marianne Brillo. Les services antiterroristes ont-ils déjoué un nouveau projet d'attentat en Belgique? On peut le penser après l'opération menée la nuit dernière dans une cité d'Anzival, près de Verviers. Un jeune homme de 20 ans a été arrêté. Selon nos informations, on le soupçonnait de vouloir se faire exécuter. L'opération menée par la section antiterroriste de la police fédérale s'est déroulée pendant 2 heures. Une autre personne a été également interpellé à Tournai. Le parquet fédéral nous confirme l'opération de Verviers et ses 2 arrestations, mais il n'y aurait a priori pas de lien avec les 3 arrestations de la semaine dernière à Bruxelles. C'est un Belge qui a été désigné négociateur en chef pour la sortie britannique de l'Union européenne. Didier Seus dirigera la Brexit Task Force au sein du Conseil des ministres européens. Ce diplomate a été le chef de cabinet d'Herman Van Rompuy, le premier président permanent du Conseil européen. Les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs de l'Europe, dont la Belgique, se sont réunis aujourd'hui à Berlin. Quand on part, on part. Les 6 pays demandent que le Royaume-Uni engage le plus vite possible la procédure de sortie de l'Union. La France veut que l'on désigne d'urgence un nouveau Premier ministre britannique. Les Pays-Bas appellent à tourner la page au plus vite. Les 6 ministres ont également relevé la nécessité pour l'Europe de se rapprocher de ses citoyens. Le commissaire européen britannique Jonathan Hill a lui annoncé sa démission cet après-midi. Il avait en charge les services financiers. Le travail a repris officiellement ce matin à la prison de Lantin. C'était la dernière prison encore en grève, mais l'établissement ne tourne pas à plein régime. Des agents pénitentiaires sont toujours sous certificat. La situation devrait revenir complètement à la normale au début du mois de juillet. Et puis c'est parti pour les 8e de finale à l'Euro de foot. La Suisse vient de débuter son match face à la Pologne à 18h. Le Pays de Galles rencontre l'Irlande du Nord à 21h. La Croatie affrontera le Portugal. On voit comment ça roule avec David Godefroy. Assez calme sur nos routes. Notons simplement cet objet encombrant, cette échelle se trouvant sur la 54 Charleroi-Nivelles à hauteur de Jumet Est. Prudence donc, la voie centrale est encombrée en direction de Nivelles. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTB Mobile Info 0800 48 400. Et on reprend la route de la Calamine. Merci Marielle, l'info revient à 15h. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. 16h, 17h, le beau vélo Gravel sur Vivacité. Avec cette échappée belge, comme vous en avez déjà certainement entendu parler, la nouvelle déclinaison du Ravel du bout du monde, petite sœur du beau vélo, l'échappée belge s'inscrit cette année 2017 en Provence. Et il y aura donc chaque semaine un candidat sélectionné qui sont à vos côtés. Il y en a deux pour le moment, Olivier Coll. Provence. Et il y aura donc chaque semaine un candidat sélectionné qui sont à vos côtés. Il y en a deux pour le moment, Olivier. Qui a fait, c'est sorti du casting du 1er mai dernier au lac de l'Oder. Bonjour. Rudy. Bonjour. Une petite présentation, rappel pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Vous venez de la région Vertétoise. Oui, c'est ça, oui. Donc en voisin quand même. Oui, je ne suis pas très loin d'ici, donc je connais un petit peu la région, mais pas autant que mon adversaire. Ah non, Gunther qui lui est calaminois. Tout à fait, je suis de la Calamine. Voilà, alors Gunther, vous représentez également les couleurs de la BRF, donc la radio publique de langue allemande dans les cantons de l'Est, qu'on connaît très peu dans le reste de la Belgique. Mmh. Et c'est l'occasion de les mettre en lumière, nos collègues de la BRF, et c'est leur couleur que vous allez défendre. Et d'ailleurs, il y aura peut-être quelques questions sur Vivacité, mais aussi sur la BRF dans ce quiz. Quelques secondes seulement pour répondre à un maximum 17 questions. Vous avez la main sur les buzzers, les gars. Et on va commencer tout de suite, dès que le chrono est lancé, pour tenter de répondre à un maximum de questions. Attention. Quel est le nom qui est aussi porté par les Calaminois? Kelms. C'est pas ce que j'ai devant moi. Droit de réponse pour Gunther. Les Kroupegolles. C'est une bonne réponse. Alors, deuxième. Combien de communes le parc naturel régional du Luberon compte? Et la main pour Rudy. 5. Non. Combien le parc communal du régional du Luberon compte-t-il de communes, Gunther? 67. Non, c'est pas ça. Sur Vivacité, quelle émission est diffusée du lundi au vendredi en 13h et 15h? La vie du bon côté, Sylvie Honoré. Bonne réponse. Quel est le titre du magazine d'info de la BRF entre midi et 14h? Gunther. Brasserie. Bonne réponse. Quel est le titre du premier album d'Axel Red? Gunther. Tout de suite. Non, droit de réponse. Little Baby. Ce n'est pas ça. À quelle date précise la section de la ligne 39 Moresnet-Birken a-t-elle été ouverte? Gunther. 1852. La date précise, il me faut le jour et la date, c'est pas ça. Droit de réponse tout de suite. Rudy. Le 7 décembre 1870. Bonne réponse. Sur la commune de Gordes, quelle abbaye est considérée comme un joyau précieux de l'art cistercien? Sur la commune de Gordes, dans le Luberon. Pas de tentative. C'était l'abbaye de Simanque. Quel symbole du carnaval Kenemeo est brûlé chaque année? Gunther. Le cochon. Le cuche, évidemment, au patois, ouais, local. Quelle est la capitale du pays d'Aigues? Le pays d'Aigues, la capitale. Pas de tentative. C'était Pertuis. Près de quelle localité belge la gueule prend-elle sa source? Gunther. Lichtenbusch. Bonne réponse. Chaque jour de la semaine, combien d'émissions Vivacité propose-t-elle entre 6h et 8h? Émissions différentes chaque jour. 4. Non, droit de réponse. Non. Quel est le nom du journaliste BRF qui suit l'Euro de foot en ce moment? Gunther. Ah. Non. Et pas de tentative, peut-être. À partir de quel siècle Raren a-t-elle fait du gré sa spécialité? Du 15e siècle. Non, c'est pas ça. 13e bonne réponse pour Gunther sur le fil. Et là, je n'ai aucune idée, alors que les deux candidats se serrent la pince, des scores qui vont être communiqués en fin d'après-midi. Laissez vos casques, les garçons, parce que quand même, pour tous les autres candidats de la saison qui nous écoutent aujourd'hui, au niveau du stress, comment ça s'est passé? C'est quand même assez stressant. On n'est pas habitué à réagir comme ça en direct, au quart de tour. Ce n'est pas évident. Ah, et c'était plutôt bien joué, Rudy? Moi aussi, j'avais très difficile. Surtout que la BRF, je ne pensais pas qu'il y avait une question. Ah, on a un peu équilibré, hein, entre Vivacité et BRF, pour que tout le monde ait des changes. Mais on n'a pas entendu les fans qui sont restés sous la pluie devant pour soutenir nos candidats. Maintenant que c'est fini, vous pouvez faire un peu de bruit. Hein. Allez-y. Voilà. Et je crois qu'on va retrouver Adrien Jovenot tout de suite. Adrien, oui. Vous êtes en compagnie du chef du jour qui vous a fait déguster quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous a amené de Wem? Alors, il nous a amené une gougère aux orties Thomas Troupin, mais il y avait un fromage spécial à l'intérieur. Oui, donc le Blanc-Bec de la fromagerie Le Valais à Wem. Alors, la menuiserie à Wem, Marie-Charlotte, c'est en fait un restaurant depuis 3 ans, mais avant c'était une vraie menuiserie. C'est ça, c'était la vraie menuiserie de mes grands-parents. D'accord. Donc, il devait être fier de vous, votre grand-père, de voir que vous avez fait revivre le bâtiment. J'espère qu'il le voit, qu'il peut être fier et que ça se passe bien, qu'on est content. Donc j'espère que lui aussi est content. Oui, et nous on est super heureux de votre présence parce que vous avez rassasié les beaux héros du Ravel malgré la pluie, vous l'avez fait dans la bonne humeur, ils se sont rués vers Bougères. Hein. Oui, j'ai l'impression. Oui. Tant mieux. Et ça ne manquait pas de piquant. Quelqu'un qui a le sourire aussi, c'est le bourgmestre Hans, vous êtes le bourgmestre de cette commune de Raron, proche de Wem, hein, avec une toute nouvelle place. C'est toute nouvelle place. Avec une toute nouvelle place. C'est toute nouvelle place. Alors ça s'accuse bien. Hein. C'est ouais. Certain, c'est certain. Et puis on va pas se laisser abattre par quelques gouttes d'eau quand même. Allez, on va y repartir, Olivier, pour la deuxième partie de cette balade qui s'annonce un peu plus plate, hein, plus un sèche, peu moins sportive que la première. Ouais, on va aller vers Ergenrath maintenant. Oui. Et son feu viaduc est le dernier de la ligne de TGV qui mène de Bruxelles vers l'Allemagne. Et ensuite reprendre le chemin de la Calamine. Mais quand même, pour sortir d'Ergenrath vers la Calamine, on ne peut pas dire que ce soit tout plat, mais ce sera tout à fait accessible. Accessible, oui. Et praticable. Et tout cela va se faire dans la bonne humeur, comme depuis le début de cet après-midi. J'ai déjà David qui est de retour au Tordem et prêt à en découdre pour cette deuxième partie, David. Eh bien, de toute façon, on est percé jusqu'au pied, le dos, tout est percé, donc je suis partant. Je ne pas faire pire. Je vais me transformer soit en noix ou en canard. Oui, oui. Je pense. Oui, et d'ailleurs, ici, sur le lac qu'on a longé, le lac du Casino, même les canards étaient à l'abri. Oui, ils sont gentils. Oui, oui, oui, oui. Alors, on est en train de se rééquiper pour cette deuxième partie. Hein. Donc, la voiture émettrice, toutes les équipes techniques. Si vous nous écoutez à la maison et que vous voulez un petit peu voir ces endroits par lesquels nous passons, on peut vous recommander le livre écrit par Frédéric Thiébault, le livre du beau vélo de Ravel. C'est déjà le 18e de la collection qui vous permettra, loin de la fureur et du bruit, de découvrir à la fois les cols du coin, les petits endroits du terroir, les bonnes adresses, ou casser la croûte, ou même peut-être passer la nuit ici dans ce terroir. Et Sylvie, vous l'avez vu, le magazine Médor consacre d'ailleurs dans son dernier numéro une dizaine de pages sur la Calamine, ce territoire un petit peu étonnant. On a appris plein de trucs. Hein. Souvenir d'un pays oublié, c'est le titre de l'article en effet que j'ai sous les yeux, qui ravira à mon avis les amateurs d'histoire, puisque voilà, on reparle, on resitue un petit peu Moresnet, notamment dans un contexte initial et historique. Donc c'est vrai que c'est un bel article et je pense qu'il y a des férus d'histoire dans le peloton qui en effet ont envie toujours de découvrir un peu plus loin cet itinéraire et cette étape avec en partenariat avec les sentiers de grande randonnée. On le rappelle, 5000 km d'itinéraire balisé en Wallonie et à Bruxelles. Vous pouvez faire évidemment votre choix de rando d'un jour ou de plusieurs jours en devenant membre. Allez sur leur site internet pour en savoir plus. Voici OMI avec Cheerlander. Oh Emmaï avec Cheerlander, alors que nous sommes un peu captivés par les essais de Marie Naquet sur la scène tout à l'heure en showcase Joker Plus. Elle sera, Marie Naquet, en compagnie d'Axel Red et de Frédéric François, chacun à son tour bien sûr. Et je suppose que si vous entendez parfaitement derrière moi quelques notes, c'est le refrain que vous entendez très souvent, Homeless, qu'on diffuse sur Vivacité. Donc Marie Naquet c'est tout à l'heure et même à notre micro entre 16h et 17h. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Il est mignon. Wow. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Mmh. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est ce week-end partout en Wallonie. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur gfo.be. Une initiative de la PACW avec le soutien de Vivacité et Sud Presse. Offre d'été dans votre magasin Point Carré. Maintenant, bénéficiez de 25% de remise sur la collection été 2016 à l'achat de minimum 2 articles. Hors exception, prix rond et nouvelle collection. Pourquoi il faut toujours être sage? Je suis nulle en classe. Je n'ai pas d'amis. J'ai peur de la récré. Je comprends pas ce qui se passe avec mes parents. Il n'y a personne qui m'aime. C'est pas ça, il n'y a rien. J'arrive pas à rester tranquille. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Prêt pour l'aventure? Le zoo d'Amnéville vous transporte par 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World. Un univers fantastique, époustouflant, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Bonjour, c'est Christophe Benteke. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Cette année, Hawaii se met à l'heure d'Hawaii pour la braderie d'été. Du 23 au 26 juin, les meilleurs prix dans une ambiance de fête hawaïenne. Bar, animation musicale, menu hawaïen et nocturne le vendredi jusqu'à 22h. Rendez-vous à Hawaii. Non, à Hawaii du 23 au 26 juin. Hawaii, il s'y passe toujours quelque chose. Hawaiicommerce.be. Jusqu'à 17h, le beau vélo de Ravel. En direct de la Calamine, alors vous Olivier Coll, vous avez les cyclistes courageux qui sont à vos côtés, peut-être un petit peu plus boueux que les ravelistes courageux aussi qui sont ici, sous leur parapluie, c'est vrai, on a une protection et on attend impatiemment Frédéric François qui est là, on le sait, parce qu'il y a des livres pour les autographes qui sont présentés, des appareils photo aussi qui attendent d'être déclenchés, donc on est certain qu'il est là, Olivier. Oh, je t'aime à l'italienne. Non, n'en rajoutez pas. Ça ne peut pas être pire. On mais peut bon, y... donc, non, mais vous pouvez chanter. Aujourd'hui, on peut chanter, on peut se laisser aller, on ne risque rien. Bien sûr. Ça ne peut pas être pire comme non, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, on ne risque rien, c'est vrai ça. Est-ce que vous pourriez chanter, vous aussi, Jackie, par exemple? Je ne sais pas, moi, un petit chant en patois, parce que c'est vrai que dans cette région de la Calamine, on parle un patoisant qui mélange un petit peu d'allemand, enfin beaucoup d'allemand, un petit peu de néerlandais venu aussi du pays des trois frontières, et puis quelques mots en français. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit échantillon de la langue locale? Il faut parler dans le micro, hein, Jackie. Quelle me souhaite que je sois là? Allez. Et qu'elle me souhaite que je sois là? Et qu'elle me souhaite que je sois là? Et la la la, et la la la, et la la la la la. Et qu'elle me souhaite que je sois là? Et qu'elle me souhaite que je sois là? Et la la la, et la la la la la. Voilà, c'est la chanson du cochon du carnaval. Ah ben voilà, le fameux cochon qu'on brûle le mardi du carnaval. Le mardi du carnaval. Non, le lundi du carnaval après le corté. À la fin des festivités qu'on poursuit souvent dans la fameuse salle du patronage dans laquelle on a d'ailleurs présenté cette saison 2016. Oui. Jackie, ça fait partie du folklore local. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes dans le folklore de la région, au-delà du carnaval? Parce qu'on parle, on réduit parfois un peu le folklore local au carnaval, mais il se passe d'autres choses dans l'année aussi, notamment les kermesses. J'ai vu qu'il y en avait une tout près ce week-end. Les kermesses de la Calamine, de la kermesse de la Calamine, de Hergenrath. le Moresnet, le Costé de Saint-Martin. Il y a le fameux en Ergenrad qu'on va traverser bien. Ah oui, le Costé Fleury qui se fait en principe tous les deux ans. Et je crois qu'il y a aussi dans cette région, Jackie, une tradition du tir à l'oiseau quand il y a les kermesses. Ah oui, pas spécialement à la kermesse, mais régulièrement, nous avons à la Calamine 11 clubs de tir à Calamine-Ergenrad, dont 7 à la Calamine même et 3 à Ergenrad. Et je vois que, justement, quand on parle de tir, qu'Adrien a sorti sa carabine. Oh là là. Oui, parce qu'ils sont en danger. Oui, Achtung bitte. Toujours d'abri. Alors c'est dingue, dans le peloton, il y a toutes les générations. Ici, j'ai un petit bout de choucote. T'as quel âge ? 7 ans. 7 ans, et t'es tout seul sur ton vélo, sous la pluie. Franchement, t'es un héros. Hein. Comment tu t'appelles ? Norik. Norik, tu habites où ? À Timister. Timister, c'est pas loin, c'est sur le plateau de Herve. Vous avez vu ce mélange de générations, David Jean Motte. Moi j'adore, il est mignon comme tout, il a des yeux magnifiques et il est comme nous, il est plein de boue. Allô. Oui, oui. C'est génial. Il a été plus malin que vous, ça dit lui. Mais lui, il a mis un garde-boue. Oui, il n'a pas mis de chaussettes. Donc, et il n'a pas mis de chaussettes. Donc directement, les baskets. Éviter le jus. De toute façon, il faut toujours prendre les leçons des enfants. Oui, ça, ouais. C'est sûr. Alors, vu de l'extérieur, votre tandem, au niveau relooking, il y a du travail. Alors, moi, c'est même pas relooking, je suis directement ici dans une mare au canard, un étang. Je crois que j'ai des bambous qui commencent à me pousser dans le dos. On va ressortir du Gigi Lyonnais. Mais vous voyez, Sylvie, que ça n'entame pas notre bonne humeur. Et finalement, c'est souvent lors des balades les plus humides, les plus exigeantes, qu'il y a le plus d'ambiance et le mais plus oui. de folie dans le peloton. Mais oui, que voulez-vous qu'on fasse ? On ne va pas pleurer, donc finalement. Il y a le plus d'ambiance et le mais plus oui. de folie dans le peloton. Mais oui, que voulez-vous qu'on fasse ? On ne va pas pleurer, donc finalement. Je n'avais aucune qui nous prédisait Absolument. Autant de flotte cet après-midi. RTL. Absolument. Mais je peux vous dire que dans certaines régions, pas très très loin, il fait grand soleil. Hein. Donc vous voyez que, en effet, c'est difficile de faire des prévisions météo parce que d'une région à l'autre, ça change. Donc voilà. Mais ici, pour nous, eh ben, c'est pas de chance. Ça, c'est sûr pour la première du beau vélo. Mais comme vous l'avez dit, c'est souvent comme ça qu'on retient en effet des anecdotes propres au parcours. Voici Chris Isaac sur Vivacité en cet après-midi en direct de la Calamine. Pour la première étape, pour le top départ de cette saison 2017 du beau vélo. Make me dream of you and I. Isaac sur Vivac Wicked Game cet après-midi en direct de la Calamine, alors que je suis en train de braver moi aussi la pluie. Olivier et Adrien, je ne veux pas rester assise, je ne veux pas donner l'impression... Vous êtes solidaire, Sylvie. Mais oui, je suis un peu solidaire et donc voilà, j'ai envie quand même de rencontrer des gens qui me semblent tout tristounés. Est-ce que vous êtes tristounés, Riewert? Oh ben un peu, puisqu'il le soleil n'est pas présent. Oui, mais il est dans nos cœurs, le soleil. La passion est au cœur de vos métiers aussi. Alors, c'est vrai que vous êtes un passionné. Vous êtes maître boulanger, pâtissier et artisan, on va dire. Petit mystère, c'est une quinzaine de kilomètres. Oui, mais exactement. Vous êtes maître boulanger, pâtissier depuis combien de temps ? 25 ans. 25 ans de passion, toujours comme au premier jour ? Toujours comme au premier jour. Bon, alors la passion, elle a évolué, enfin, les spécialités peut-être ont évolué. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous caractérise ? Bon, on les affine un peu plus. On attrape de l'expérience toujours plus et c'est le métier qui rentre. Encore mieux. Alors, je vois qu'il y a de la tarte au riz. Et c'est celle qui fait la polémique, ça ? Exactement, c'est celle qui n'aime pas d'aller au frigo. Ah d'accord, ben elle n'est pas au frigo, mais c'est vrai qu'il ne fait pas chaud. C'est tout comme pour le moment. Et vous le vendez au morceaux, alors ? En morceaux et entière. Ceux qui ont une grosse faim peuvent la prendre entière. Comment, c'est Olivier, vous dites ? Est-ce qu'elle est au lait cru, Est-ce qu'elle est au lait cru ? Oui, elle est au lait cru, il n'y a pas de problème. Ah, on a affaire à un connaisseur. De la région vervétoise. Alors, j'ai à droite, donc en effet, la tarte au riz, et à gauche, j'ai de la guimauve. Alors, la guimauve que je viens de la goûter, elle est particulière. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, votre guimauve ? Comment vous la présentez ? De la guimauve à l'ancienne, et qui est en fait faite comme du temps de nos grands-parents, et qui est une émulsion qui est faite sans blanc d'œuf. D'où sa légèreté et d'où le fait que quand vous la mettez en bouche, elle fonde directement dans votre bouche. Ah, c'est vraiment ça, ça fond en bouche. Olivier, oui, il y a plusieurs parfums, donc je ne sais pas ce que vous aimez, qu'est-ce que vous proposez ? Ah ben nous avons de tout, nous avons donc des goûts classiques comme la vanille, mais aussi des goûts très particuliers comme du fraise basilic, de la violette, du cassis, du cappuccino. On en a aussi qui sont enrobés de chocolat à 70%, donc voilà. Un peu de tout. Olivier, fraise, basilic, cappuccino. Hein ? Non, il est dit en télé. C'est vous, Adrien, qui avez peut-être goûté mes guimauves, fraise, basilic, cappuccino avec un petit morceau de tarte au riz. Et ben voilà, je vous emballe tout ça. Quoi, Rudy ? Un grand morceau de tarte au riz. Après avoir pédalé comme ça, ils ont bien besoin d'un grand morceau et beaucoup de guimauve. Ouais, c'est vrai qu'il... Et vous l'avez bien mérité. Bon, ben voilà, je vous emballe tout ça. Et, parfait, et ce sera à votre retour, d'accord ? Je viendrai directement sur le stade, c'est promis. Voilà. Je sens que Jackie, qui est derrière moi, est déjà en train de saliver également à l'idée de pouvoir déguster cette bonne tarte au riz avec les maîtres artisans boulangers qui seront présents tout l'été, je crois. Hein. Absolument, absolument. Et tous les producteurs passionnés de la PACW seront représentés. Donc on aura l'occasion, en effet, de venir leur faire la petite papote, on espère, sous un ciel beaucoup plus clément les prochaines semaines. Ah oui, c'est bien d'avoir mis la main à la pâte et d'être venu comme nous. Sous l'averse. On a vraiment fait ça. On a vraiment fait ça. Vos petits cheveux qui crôlent, comme on dit dans la région liégeoise. Allez, comme le chante Vianney, de toute façon, on est bien comme ça. Et c'est lui qu'on vous propose pour la suite de la programmation musicale. Qu'est-ce qui nous prend ? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Oh, oh, on est bien comme ça. On débat sur des sujets qui nous font toi et moi. Sentir un peu con, on n'a pas le bagage qu'il nous faut. Ça, je ne sais pas, mais je t'aime trop. Si tu tombes, je ne t'en...

Oui, je vais demander la confirmation à Francis Hubin. En fait, ça veut dire quoi, Veenbaan? Ah, Veenbaan, Adrien, c'est une ancienne ligne de chemin de fer ici qui est désaffectée et qui maintenant est la plus longue voie verte d'Europe sur une ancienne ligne. Donc, il faut qu'on en soit fier. On avait le réseau ferroviaire le plus dense au monde ici en Belgique. Maintenant, avec les lignes de chemin de fer désaffectées et réaménagées en Ravel, réseau autonome des voies lentes, on a également un réseau très sécurisé pour les balades en famille. La plus longue piste cyclable du Royaume, elle est ici et même d'Europe. Soyons-en fiers. Cocorico, c'est du wallon et du bon. Alors on a aussi dans le peloton des gens qui viennent de Flandre. Monsieur, vous venez de quel coin exactement? De Winsel, près de Leuven. Et c'est vrai qu'en Flandre, vous avez les Knooppunt, non? Oui, oui. Il y a des beaux réseaux pour les vélos aussi. Donc c'est bien finalement, et ces réseaux, qu'ils soient flamands ou wallons, sont interconnectés, et c'est cette grande Belgique cyclable qui se met en route, c'est magnifique. Vous êtes un cyclo quotidien ou bien juste le week-end sur le bon vélo? Hebdomadaire. Infidèle. Mais ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des auditeurs qui viennent de Flandre pour découvrir le réseau autonome des voies lentes. Nous sommes un petit peu sur une terre, le réseau autonome des voies lentes. Nous sommes un petit peu sur une terre. Je retrouve mes racines et comme vous l'avez peut-être entendu ce matin, je peux faire l'accent d'ici comme on veut. Hein. On fait calamine sur le bus, il n'y a pas de problème. Hein. Comment vous trouvez mon accent, Jackie, après une vingtaine d'années, après avoir quitté la région? Ton accent est toujours bon, non? Oui, il n'est pas moqueur. Hein. Non, absolument pas. Absolument pas, il faut le revendiquer quelque part parce que ces accents, ça fait aussi ça fait partie de nous, même si on les gomme de temps en temps pour les passer dans les médias, hein. Mais pour le reste, dès qu'on est dans la région, ça revient très très rapidement. Jackie, on va sur Ergenrad. On va sur Ergenrad, le village fleuri, qui a été d'ailleurs un village fleuri récompensé du premier prix lors de village fleuri qui est organisé pour l'Européen. Alors je me souviens, moi, quand on était gamin, qu'on venait à vélo justement jusqu'à une ancienne usine de chaux qui est tout près de l'ancien viaduc de chemin de fer qui a été rénové depuis. Elle existe toujours, cette ancienne usine? Non. L'usine de chaux n'existe plus. D'ailleurs, l'endroit n'est même plus visible. Il est recouvert de végétation. Voilà. Mais ça, c'est quelques traces également du passé de la région. On a parlé des mines, évidemment, qui a donné le nom à la calamine. Et on a parlé aussi du passé industriel de cette région. Et on a réussi, dans cette région, Jackie, à faire en sorte que les sites industriels, comme à beaucoup d'autres endroits, deviennent des sites naturels. On a eu un bel exemple avec le lac du Casino au tout départ de la balade. Bien sûr, on essaie d'y arriver, mais ça se met lentement en place. Ah ouais, après des années, évidemment, la végétation recouvre tout. Alors on va essayer, à coup de frein, comme vous l'entendez, Sylvie, d'aller tendre notre micro vers certains participants du beau vélo aujourd'hui. Comment ça se passe sous la capuche verte? Ça dégouline. Ça dégouline. Mais le soleil est dans les cœurs. C'est ça le plus important. Bien entendu. Et finalement, pour tous ceux qui ont décidé, qui nous écoutent et qui ont décidé ce matin de rebrousser chemin et de ne pas participer au beau vélo, quand il pleut, après 2 km qu'on est trempé. Moi je dirais qu'ils ont tort, parce que même quand il fait mauvais, il faut quand même bien aller travailler. Donc moi que je dis que dans les loisirs, ça doit être pareil. Voilà, donc quand on a une décision pour le week-end, on s'y tient. On s'y tient jusqu'au bout. Voilà, Sylvie, un petit conseil pour les semaines à venir, au cas où, je dis bien au cas où. On devrait encore essuyer des averses comme aujourd'hui. Oui, je vous assure que dans certaines régions, les auditeurs nous fournissent des informations. Il fait grand soleil. Je veux des photos. Les auditeurs nous fournissent des informations. Il fait grand soleil. Je veux des photos. Calamine, on sera la semaine. Il faisait très, très, très beau ce matin. Ça vaut la peine de faire 2h15 de route hein, pour venir sous la pluie comme ça. Mais oui. Se faire saucer, littéralement. Allez, encore un petit peu de musique. Et puis à partir de

pour voir si ils ont toujours le niveau. Et apparemment, même dans des conditions un peu dantesques, tout le monde s'est entraîné pendant cet hiver pour avoir le petit peu de conditions qu'il faut pour pouvoir apprécier cette étape. Et sinon, on peut se réfugier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec nos amis de l'ADEPS, sur la boucle de 10 km. Il ne faut pas être gêné d'aller quand on arrive sur une étape un peu plus compliquée. Le plaisir du vélo doit prédominer et on ne doit pas aller au-delà de ses efforts. Mais aujourd'hui, franchement, l'ambiance est bon enfant dans le peloton, je peux vous le dire. On retourne peut-être vers Jackie, qui me sert de petit moteur aujourd'hui. Jackie, je peux vous demander votre âge? Allez. Je n'ose pas le dire. Allez, dites-le. 72. 72 ans. Et je peux vous dire, Sylvie, que même sans pousser trop sur les pédales, je sens que ça pousse derrière. Vous faites pourtant, Jackie, du vélo depuis très peu de temps, une dizaine d'années seulement. Une dizaine d'années, oui. Pour raison médicale à la base. Au départ, oui. Comme quoi ça et puis avec le plaisir. Ben oui, parce que là maintenant, je peux dire qu'il y a une fameuse condition, mais vous étiez dans le sport depuis longtemps, oui. Puisque vous êtes président du conseil sportif de la communauté germanophone. C'est bien ça, mais avant j'ai été depuis 30 ans président du conseil calaminois. Voilà, quelqu'un qui est dans le sport. Vous avez fait quoi comme autre sport avant le vélo, Jacques? Football, équipe de sport, de compétition. Donc, ça n'est pas venu il y a 10 ans seulement, je le devinais bien. Voilà, Sylvie, on est dans un paysage fait de haies, de prés et d'arbres. C'est quand même, on le sent, la toute fin du plateau de Herve. Oui. Il y a toujours ce même paysage très vallonné, puisque ici dans la région, on l'a dit depuis tout à l'heure, ça monte et ça descend. Et ça descend. Ça crapahute dans tous les coins. Oui, et cela dit, il y en a qui le font avec des mini-vélos. Vous, Sam, c'est quoi comme type de vélo? C'est un vélo fiable, je vais dire la marque, mais... qui est facile tout à fait à pied pour pouvoir monter dans les transports en commun, entre autres. Vous venez d'où? Moi, je viens de Bruxelles, d'Auderghem précisément. Et je l'emploie au quotidien. Je pars au travail avec. Et, donc aujourd'hui, sur le beau vélo de Ravel, vous êtes venu jusqu'à la Calamine en train et à vélo. Voilà, oui, de Valkenrath. Et puis après, à vélo jusqu'à la Calamine. Eh bien, bel exemple, ça. Et je tiens à préciser que c'est loin d'être mon premier Ravel. Et c'est avec plaisir que je continue à le faire. Voilà. Mais bravo. Et vous avez vu ce bon exemple, David? Oh, mais moi je suis admiratif devant tous les sportifs, donc chapeau au bas, quoi. Et en plus, son empreinte écologique est réduite parce qu'il vient en train, puis il prend le vélo, puis franchement, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le moral. Et c'est bon pour la santé surtout. Et, bah oui, vous faites bien de le dire. Merci, docteur Jean Motte. Merci à vous. Et il n'a pas besoin d'être relooké parce que quand on fait du sport, regardez, il a le ventre plat, il a les guibes. Affûtés. C'est clair. Il doit pas aller s'enfermer dans des salles de torture à faire de la gym sur des engins de musculation. Et il a 72 ans, regardez comme il est en forme. Oui, c'est vrai. Non, je rigole, il a 40. Il en fait 22 moins, c'est clair. Bon, Sylvie, ouais, mais... beaucoup de bonne humeur dans ce peloton. Ouais. Je peux vous dire qu'on passe actuellement, on parlait de la ligne de chemin de fer, sous la ligne de chemin de fer entre Liège et Valkenrath. Très bien, très bien. En parlant de la bonne forme physique des hommes et les jolies courbes des femmes, vous savez que de toute façon les femmes sont la lumière du monde, hein, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous savez qui l'a dit. Je confirme. Mais oui, bien sûr. Les femmes, bien sûr, sont c'est la lumière du monde. Qui chante? Francesco Baraghetto. Qui chante? Donc c'est... Non, François n'est pas sur un vélo. Laissez aller. Alors que là, il y a une flaque d'eau, Sylvie, vous allez vivre ça en direct. Oh oui. Il fait un demi-mètre de haut. Attendez, je vais oh là là là là. Oh là là là là. C'est la Méridine. Oh là là là là. C'est bon, allez, on en parlera tout à l'heure. De toute façon, Frédéric François sera à notre micro d'ici quelques minutes pour nous parler en effet de son dernier album, hein, qui est sorti en avril, et puis son livre aussi avec beaucoup d'anecdotes sur sa vie. C'est mon histoire, c'est ce livre qui s'inscrit dans le cadre des 70 ans de l'immigration italienne en Belgique. C'est tout un symbole pour ce fils mineur sicilien devenu l'idole de toute une génération, et c'est prouvé quand je regarde les parapluies et surtout les personnes qui sont derrière et en dessous qui s'amassent tout autour de notre scène pour les artistes tout à l'heure. Allez, en parlant de musique, ce n'est pas lui qu'on va écouter pour l'instant, c'est Ellie Goulding avec Love Me Like You Do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood, You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear. La bande originale du film 50 nuances de Ellie Goulding sur Viva, en direct de la Calamille. Nous sommes avec beaucoup de couleurs grâce aux parapluies. J'allais dire que j'exagère sur les parapluies, mais c'est vraiment ce que je vois devant moi. Mais je peux vous assurer qu'il y en a énormément. D'ailleurs, Olivier, Adrien, ça vaudra la peine de les prendre en photo. Parce que je peux vous assurer qu'on fait mieux qu'à Cherbourg ici. C'est super j'espère coloré. Que ce sera une image souvenir et qu'on ne la sortira pas trop souvent cet été. Parce qu'on a tout dégusté. Alors, il faut quand même que je vous dise, Sylvie, avant la séquence relooking qui va arriver, que Adrien vient de nous faire un pari. Oui. Parce qu'on est un petit peu à la bourre sur le timing. Et donc, Adrien a parié il y a exactement 4 minutes que nous serions arrivés dans le quart d'heure, sans quoi il traversait nu comme un verre nu comme du un casino. Verre, oui. Je confirme. Tout le monde est moins maintenant. Je confirme. Adrien, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Oui, mais on est là dans 10 minutes, hein, donc pas de panique, pas de panique. David Jean-Maud, on a parlé vélo, on a parlé la calamine, on n'a pas parlé de votre actu. Vous ouvrez ces jours-ci une université du relooking, l'université David Jean-Maud. Oui, c'est bien ça, Courcelles. Donc on a fait les inscriptions déjà hier, on a déjà eu pas mal d'inscrits. Attention, les places sont limitées et ce sera donc des concerts en images. et des relookers comme moi, comme Christina Cordula, mais en beaucoup mieux, parce qu'il y a des forces vives qui sont présentes, Julie Vanache, des diététiciens, des stylistes, et donc ça va vraiment être des élèves super pro. Quoi. Est-ce que vous pourriez en une minute nous relooker notre spécialiste chemin du rail, le sosie de Jean-Pierre Bacri? Alors c'est simple, c'est parce que les cheveux sont un peu longs et quand on a la calvitie, il faut mieux les raser un petit peu plus et laisser un petit peu plus de barbe pour que les millimètres des cheveux et les millimètres de la barbe soient pareils. Et alors je lui conseille un léger auto-bronzant avec une nuance abricot, ça va bien lui aller et des lunettes d'eau, ça va le moderniser. Oui, d'accord. Donc ça c'est pour Francis Hubin. Le look, et sinon pour la silhouette, vous le gardez comme alors, ça? Alors la silhouette, elle est parfaite. Il a démolé en béton des épaules de nageur et il a surtout des yeux coquins et son petit grain de beauté, on dirait un marquis. Il a son petit grain de beauté comme un marquis. Et bon, si vous connaissez Francis Hubin à la radio et que vous voulez le voir en télé, ce sera demain à 13h35. Voilà, Sylvie, on nous l'a reloupé. Il y a du boulot pour tout le monde. Hein. Voilà, à mon avis, c'est ce qu'il est en train de se dire. Depuis tout à l'heure, Adrien roule beaucoup plus vite qu'au début de l'étape. Oui, absolument. Et j'attends impatiemment. En effet, j'ai mis le top chrono, hein, Olivier Coyne. Il ne faut pas me le dire deux fois, ça. Donc voilà. Oui. Non, mais il tournait déjà depuis quelques minutes, Sylvie. Ouais, le chrono, ouais, c'est vrai. Je suis dans les paris un peu fous parce que j'ai parié aussi que si les Diables Rouges gagnaient la finale de l'Euro 2016, je traversais les lacs de l'odeur à 5 reprises. Ouh là là, pas à piscinette, à la nage. Eh ben, j'ai bien fait de ne pas gagner, je confirme, ils vont gagner. J'ai bien fait de ne pas vous couper. Donc ce sera un petit entraînement aujourd'hui. Stop, parce que le flash de 16h arrive. À tout de suite. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité et la 3 présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Très bon après-midi à tous, il est 16h. L'heure de s'informer avec Marianne Brilot. Bonjour, les huitièmes de finale de l'Euro de football à Saint-Étienne. Le match va reprendre entre la Suisse et la Pologne. Le duel des outsiders et les Polonais qui mènent 1-0 à 18h. Le Pays de Galles affronte l'Irlande du Nord. À 21h, ce sera Croatie-Portugal. Dans une petite demi-heure, ce sont les Diables Rouges qui vont s'entraîner à Toulouse à la veille de leur match face à la Hongrie. L'euro et les retransmissions de matchs sur écran géant qui semblent être la cible de menaces d'attaque avec de nouvelles interpellations cette nuit lors d'opérations menées par la section antiterroriste de la police fédérale dans une cité d'Anzival, près de Verviers tout d'abord, où un homme de 20 ans a été arrêté. Selon nos sources, il projetait de se faire exploser lors de la retransmission d'un match des Diables. Une autre personne a également été interpellée à Celle, près de Tournai, et ces deux arrestations sont liés selon le parquet fédéral qui nous a confirmé ces opérations sans que l'on sache si une ville était menacée en particulier. C'est un Belge qui va piloter la sortie britannique de l'Union européenne. Son nom, Didier Seus, il a été désigné négociateur en chef. Il va diriger une Brexit task force au sein du Conseil des ministres européens. Ce diplomate a été le chef de cabinet d'Herman Van Rompuy, le premier président permanent du Conseil européen. La France se dit pour un divorce rapide. L'Allemagne se montre un peu plus prudente. Les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs de l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, se sont retrouvés ce samedi à Berlin pour tenter de dégager une position commune après le référendum en Grande-Bretagne. Les positions de la France et de l'Allemagne qui divergent donc, puisque la chancelière Angela Merkel affirme ne pas vouloir précipiter cette procédure de sortie du Royaume-Uni. Et puis en Écosse, où l'on a voté pour le maintien dans l'Union européenne, on se prépare un référendum d'indépendance. Le gouvernement écossais dit vouloir débuter au plus vite des discussions pour protéger sa place au sein de l'Union. On va aller voir comment ça roule. RTBF Mobile Info, David Godefroy défile sur l'autoroute Courtrai-Lille. Oui, effectivement, il s'agit de l'E17, c'est à hauteur de Reichem, 3,5 km de fil. Vous perdez une dizaine de minutes, donc en direction de la France. Et puis ça coince légèrement sur le ring de Bruxelles, sans surprise, à cause du chantier à hauteur d'Anderlecht, circulation intérieure, donc au titre Grand Bigard, comptez quelques minutes supplémentaires. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À 17h, le journal de Vivacité, ce sera avec Franck Ruel. On repart au beau vélo. Nous sommes toujours là, en effet, à la Calamine, jusqu'à la fin de cet après-midi, jusqu'au moment où plus personne ne sera sur scène. Et je peux vous assurer des bons moments sur scène d'ici quelques instants. L'info, en effet, revient tout à l'heure. Partie plongée, la bonbonne d'oxygène vous tombe sur l'orteil? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. It's getting tight. I've got nothing to hide. I take it all on board. Hide. I take it all on board. I've got to crack the code. Everything coincides. Heavy are the skies. I wanna make a vow to make this right somehow. It's killing you inside. Sinking like a stone. Easy come, easy go. I gave you all I had. A fool could tell you that. Been hiding up below. Easy come, easy go. Take me back to the start, to mend the broken heart, to see what I've become, to right the wrongs I've done. It's killing you inside, fighting against the tide. It's killing you inside, fighting against the tide. It's done, easy come, easy. Against the tide, I'm sinking.

à refaire. Et je conseille tout le monde vraiment à faire le beau vélo de Ravel parce que c'est vraiment top, top, top. Et je suis percé des pieds à la tête, mais je m'en fous. À Mons, on dit on sent qu'on vit. On sent qu'on vit. Ah oui, on dit mais ça. Mais c'est pas qu'on vit, mais de toute façon, mes jambes sont paralysées. Donc, je ne sais même pas si j'ai mal ou pas, tellement elles sont paralysées. Et donc, voilà quoi. Donc, maintenant, on va boire des bières. Hein. On va rire, on va boire des bières. Hein. Moi, je vais boire des bières. Voilà, une bonne chope. Adrien Marinaquet est avec nous en studio, puisque dans quelques instants, elle passera sur la scène ici du Beau Vélo. Bienvenue, Marina. Merci. Ça vous perturbe un petit peu, toute cette ambiance un peu fête foraine. Ça fait un peu fête foraine aujourd'hui. Ouais, c'est pas toujours comme ça, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Adrien. C'est vrai que quand il y a de la pluie comme ça qui tombe à souhait et à flot, on essaie, voyez, de mettre un peu de la folie ailleurs. Oui, ouais, je comprends. Voilà, on l'a pas au niveau du ciel. Bienvenue, vous avez 18 ans, Marina. Oui. Waouh. C'est vrai que vous êtes née en 98, je viens de découvrir. C'est en vous voyant maintenant que je me rends compte que vous êtes très très jeune, voyez, et que votre histoire, elle a débuté il y a déjà très très longtemps, puisque je me dis, à l'âge de 13 ans, vous participiez déjà à un concours. Oui, incroyable talent, oui. C'est fou ça, à 13 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? C'est vous ou on vous a poussé? Non, on m'a inscrite en fait. On vous a inscrite. Ouais. Je suis allée parce que j'ai été retenue. Et que voilà, je me suis dit qu'il fallait le faire. Ouais, et c'est votre talent déjà à l'époque, c'était votre voix. Oui, oui. Vous n'alliez pas avec un petit chien pour lui faire des galipettes ou ce genre de choses. Non, je l'ai eu plus tard, le petit chien. Donc c'est votre voix qui vous porte depuis ce moment-là. Alors c'est là que tout s'enchaîne, c'est là qu'on croit en vous, vous croyez en vous, personnellement. Non, pas spécialement. Moi, j'y suis allée, voilà, parce que j'étais inscrite, pas pour quelque chose en particulier. Non, ouais. Et puis c'est vraiment un an après que ça a débouché sur quelque chose, en fait. Oui, ouais. On attrape quand même pas mal de confiance en soi. Et puis, vous voyagez pas mal aussi. Oui. Très jeune. Pas mal, ouais. Bah, en Angleterre, en Amérique, t'es allée jusque-là. Oui. Et là-bas, c'est pour travailler. Oui, c'était pour créer l'album, en fait. Ouais. Et vous revenez donc aujourd'hui, plus que jamais, sur des scènes belges. Est-ce que vous avez déjà pas mal rencontré le public belge? Alors, j'ai eu une date dans ma tournée au Cirque Royal, en avril. C'est toujours une bonne scène test. Comment vous l'avez senti? Comment l'avez pressenti? Très bien, c'était très bien. C'était vraiment génial. Et la toute première scène que j'ai faite ici, c'était en première partie de Florent Pagny, il y a deux ans. C'était au Forêt National, j'en souviens, et le public m'avait mise à l'aise directement, c'était très bien. Et comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivée là? Parce que les premières parties, on se demande toujours un peu comment ça arrive. En fait, mon producteur et moi, on a fait un album, on est allé signer dans un label, et puis c'est un petit peu le rite de passage, on commence par les premières parties, et puis voilà quoi. Quand on a découvert Homeless sur Vivacité, moi j'avais l'impression, peut-être que je me persuadais que vous étiez belge, vous voyez, mais pas du tout. Vous êtes de Marseille. Oui. Ouais, vous êtes vous vivez là-bas? Non, plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Vous êtes remontée un petit peu quand même? Oui, je suis allée là où mon métier me permet de travailler quoi. Ça veut dire quoi? Paris, région parisienne, surtout alors. Ouais. Ça nous rapproche de la Belgique hein, finalement. C'est pas loin. Ouais. C'est pas loin. Bon, Marina qui est encore quelques minutes avec nous sur Vivacité. En interview avant de prester donc brillamment sur la scène ici du Beau Vélo en direct de la Calamine. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never told you many things that I should. The words are on my lips, time to tell you the truth. I'll make it quick for you to know. Smashing my feelings is not what I'm the best at. I'll never tell you anything that I should. The words are on my lips, time to tell you the truth. I've been on the roads now, coming home to my hometown. Pretty smile, this pretty face, thinking I'm the happiest guy. pain in your eyes, the chance in your heart. Gonna break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, just come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. Pain in your eyes, the chains in your heart. Gonna break it with my arms. I care too much about yours. Let you get down. I always stay around. Brokenback sur Viva, Brokenback dans les oreilles, voilà, à l'instant précis, en direct toujours de la Calamine où nous sommes depuis ce matin pour cette toute première étape du Beau Vélo de Ravel, édition 2017. Marina qui est en tournée cet été en France et en Suisse, quoi, c'est un été assez intense au niveau. C'est des festivals. C'est des festivals. Vous aimez cette ambiance de festival? Ouais, c'est plutôt sympa. C'est très différent des concerts, en fait. Il y a pas de titre calme. C'est beaucoup la folie, beaucoup sauter partout, beaucoup crier, mais c'est cool. Voilà, c'est différent, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup de rencontres avec d'autres artistes. Est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, que vous allez croiser cet été et que vraiment vous dites j'irais bien papoter avec alors, cette. Honnêtement, j'ai pas la moindre idée parce qu'en général, je sais même pas avec qui je vais jouer. Ouais, je vois sur le tas et puis c'est très rare en fait que les gens se croisent parce que les balances et les heures de passage sont pas à la même heure. C'est rare. Ouais. Le 2 juillet, vous serez à Arras, au Main Square. Ouais. Je connais absolument pas. C'est vrai. Non. C'est l'un des plus gros. Hein, c'est vrai. Ouais. Vous voyez, il voilà. Est très très gros. On m'a mis l'info sous les yeux, donc je me disais que je devais l'annoncer, que c'était quelque chose d'important. Et puis le 28 août, vous revenez en Belgique au Festival des Solidarités à Namur. Exactement. Oui. Ouais. Belle ville Namur. Connaissez Namur? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Très très belle ville que vous allez découvrir. On rappelle aussi que votre album s'est vendu à 300 000 exemplaires. Ouais. Fairless, qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a un mois. Un an. Oui. C'était en mai l'année dernière, ouais. C'est ça. Donc il y a juste un an, donc c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est Homeless qui a récolté tous les suffrages. Et c'est que grâce à ça qu'on vous a découvert. Il y aura des vacances quand même ou pas? Ou entre les festivals? Entre les festivals, je sais pas. On verra. Sinon, à la fin de l'été, ouais, je vais me poser un peu. Oui, c'est ça. Priorité au festival, priorité à la scène. Et puis, ok, très bien. Vous connaissez Frédéric François? Non. Ah ben c'est lui que vous allez rencontrer tout à l'heure. Axel Red, peut-être un peu plus? Non plus. Non plus. Oui, bah vite ouais. De nom, mais je ne connais pas ce qu'elle fait. C'est bien. Je crois que je ne suis pas née à la bonne époque. Vous pouvez dire, peut-être que quand vous entendrez peut-être plus Axel Red, que certaines chansons vous diront quelque chose. Marina, qui est 18 ans, voilà, tout juste, qui vient de Marseille. Merci Marina. Merci. Et bon showcase tout à l'heure. En forme pour préparer le Beau Vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Fanny? Oui, monsieur. Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim? À quel sujet? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be.

chanteuse et mannequin française qui avait initialement sorti ce titre en 2015, donc il y a un an, dans une indifférence quasi générale. Et sa relecture cette année par un duo de DJ russe est en train de le propulser sur les ondes aux quatre coins du globe. Comme quoi, parfois, c'est pas le moment, c'est pas juste, comme on dit souvent dans la vie du bon côté. Il faut retenter sa chance. Bon, on attend impatiemment Frédéric François, Axel Red, ici à notre micro pour pouvoir partager un petit peu leur début d'été, parce que, ben oui, c'est quand même le début de l'été, il faut le rappeler. Mais là, je m'adresse aussi à ceux et celles qui profitent du soleil cet après-midi, parce que des auditeurs nous ont signalé qu'à 2 heures d'ici, peut-être un petit peu plus, il faisait soleil, voilà, et peut-être même parfois un peu moins, peut-être à 1 heure d'ici. Donc profitez-en pour nous, bien sûr, mais nous en avons profité d'une autre manière, ça je peux vous l'assurer. Allez, on continue en direct de la Calamine d'ici quelques instants. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires mini format premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Vivacité et la Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be. Avec la DH et Moustique. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Calme.

l'espère, vendredi prochain à Lille. Et on sera d'ailleurs, ça c'est assez comique, samedi prochain, le 2 septembre, à côté de Lille, à Tournai, pour la prochaine, la deuxième étape du Beauvélo. Et on espère encore être tous là avec cet espoir d'aller encore plus loin dans cette compétition. Alors il y avait une compétition aussi sur le Beauvélo de Ravel. Qui opposait deux candidats. Deux candidats. On va refaire connaissance avec eux. Et Günther peut-être. Günther, avant de donner les résultats, Günther, un petit feedback sur cette journée complètement folle que vous venez de vivre dans votre commune natale. Ah oui, elle était vraiment bien. La pluie a un peu gâché le tout. Mais bon, ça a fait quand même plaisir. Il y avait une très bonne ambiance au début du groupe. Donc je n'ai pas regretté d'être venu. Vous êtes conseiller en environnement. Est-ce que vous avez déjà vu autant de cyclistes sillonner les petits sentiers de la Calamine? Non, je n'en ai jamais vu autant. C'était la première fois. Sauf quand il y a une course cycliste. Mais là, ce n'est pas sur les sentiers, c'est sur les routes. Mais sur les sentiers, c'était phénoménal à regarder, oui. C'était wunderbar. Das war wunderbar, ganz genau. Ja, danke schön, danke schön. Bitte, bitte, gerne geschehen. Günther, qui représente Belgisch Rundfunk, la BRF. Hein? Donc, rien entendu. BRF, hein, Belgische Rundfunk. Ja, der Belgische Rundfunk, ja. Ich bin Kandidat des BRF. Ja, ok. Donc, face à Günther, il y avait le candidat Vivacité. Donc, c'était une espèce de combat Vivacité-BRF. Le candidat Vivacité, c'est Rudy. Rudy Radiolaine, quoi. Verviers, comme on disait avant. Hein. C'est Vivacité-Verviers. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous ressenti les différentes épreuves auxquelles vous avez participé aujourd'hui, Rudy? Ça se résume en une première épreuve au sec, une deuxième épreuve toute mouillée et la troisième épreuve entre les deux. Oui. Et on sent presque les palmes pousser à nos pieds. On va jeter un petit coup d'œil et peut-être demander à Philippe Delmel qui a arbitré les différentes épreuves à la fois sportives, culturelles et puis les épreuves de solidarité de donner les résultats, Philippe. Eh bien écoutez, pour la première épreuve ce matin, on pratiquait du rugby. Pour Günther, il y a 5,7 points sur 10. Oui. Pour Rudy, 10 points sur 10. Ouh là là, Rudy. Rudy. Pour le quiz, 5 bonnes réponses du côté de Günther, 2 bonnes réponses du côté de Rudy. Ça devient super serré là. Pour le pump track, la piste de vélodrome, on a dû écouter un peu le trajet parce que ça glissait un petit peu là. C'était dangereux. Donc on a dû un petit peu changer les choses. 2,1 points sur 3 pour Günther, 3 points sur 3 pour Claudie. Ça nous donne 12,8 points pour Günther et 15 points sur 30 pour Rudy. Rudy qui sera donc le candidat, le premier. Et il se serre les mains. Oui, c'est beau. Parce que c'était deux potes vraiment tout au long de la journée. Oui. Fair play, Günther. Günther, vous vous inclinez avec le sourire. Hein. Vous êtes bon perdant, comme on dit. Oui, tout à fait. J'étais là surtout pour le plaisir et je crée pleinement à Rudy le fait de remporter cela. Tout à fait. Alors, Michel Van Kerbergen, en fait, il n'a pas tout perdu, Günther, puisqu'il va repartir avec un lot que vous lui offrez au nom de 365.be. Ben oui, vous n'aurez pas l'échappée belge, mais vous aurez une échappée en Belgique. Et je vous propose de vous offrir un passeport 365.be pour visiter toutes les attractions touristiques en Wallonie et à Bruxelles. Wow. Et entre autres, ici, évidemment, dans sa région, les cantons de l'Est, il y en a beaucoup aussi. Et, bien sûr, il y en a plein ici dans la région des cantons de l'Est. Il y a autour de la Venban, il y a les Railbikes, etc. Bon, il y a Reinhardstein, plein de magnifiques choses à visiter. Ah, voilà pour Günther. Alors, Rudy, premier gagnant. Alors, c'est marrant parce qu'il a un maillot jaune, hein, donc il sentait venir peut-être. Alors, moi, je remercie Vivacité parce que c'est la troisième année que je passe le concours. Et je me dis, j'ai perdu deux fois, donc je me dis la troisième, j'espère que ce sera la bonne. C'est la preuve qu'il ne faut jamais lâcher la grappe. On n'a jamais. Il faut toujours croire à sa chance et ça finit par passer. C'est comme au foot, on insiste, on tire, et puis un jour on marque le goal. Et on sera champion d'Europe. Voilà, exactement. Voilà. Ça va finir par passer pour les diables aussi. Vous allez venir pédaler avec nous sous le soleil du Luberon du 22 au 28 septembre. Vous allez pouvoir vous réchauffer les os. Je me réjouis d'avance. Ça va être super. Ça va être super avec une ambiance comme on ravale, mais à l'étranger. Oui, et bien on vous félicite. Merci. Oui, c'est bien d'avoir un premier candidat. Ah, mais il en faut un. Hein. Aussi, on sent qu'il savoure sa chance. Après trois années. Honneur, il l'a mérité, on peut le dire. La semaine prochaine, on aura un autre duo qui va s'affronter dans les plaines de Wallonie-Picard. Absolument. Pour gagner la deuxième place. Et ce sera ainsi toutes les semaines. Et on peut rappeler, Sylvie, le principe de l'échappée belge. C'est un voyage entier entièrement à vélo, en autonomie complète. Il n'y a pas de liaison en autocar, on fait tout à bicyclette, on descend en train jusqu'à la gare TGV d'Avignon, et puis tout le reste est à vélo, un groupe plus petit, et on va dire un maximum de plaisir. Ça va être super sympa. Au milieu de la lavande et des cigales. Eh oui. Eh, pas cher. Et juste avant les vendanges. Ah oui, en plus. Fin septembre, il y aura une lumière magnifique. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un beau voyage qu'on propose aujourd'hui à nos candidats durant tout cet été 2017. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, dont toi le vent de la nuit froide renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. C'est un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Joli brin de musique, joli brin de souvenirs. Francis Cabrel avec Petite Marie. Alors que Frédéric François a terminé sa prestation avec un medley. On a pu retrouver un ensemble de ses titres les plus connus. Ça va être difficile pour lui de se frayer un chemin. Hein. Regardez ce qui se passe. On lui présente des livres. Mais il y arrive. Évidemment, on lui propose de faire bonjour. Frédéric François, c'est du direct. Hein. Il s'installe dans le studio à l'instant même où il sort de scène. C'est un planning serré. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va? Très bien Frédéric, merci d'être venu avec, on va dire la chaleur de l'Italie. Ça nous réchauffe le cœur. Je suis venu surtout avec la chaleur de, la Riviera. J'étais pas loin d'Italie. Et hier encore avec un beau soleil, mais aujourd'hui aussi. Oui. T'as vu le soleil qu'il y avait dans les cœurs. Elles ont toutes chanté, elles étaient toutes là, elles hurlaient, c'était génial. Oui. Et c'est super de vous avoir aujourd'hui, alors qu'on a célébré jeudi le 70e anniversaire de l'accord charbon. Hein. l'accord de l'immigration italienne, qui fait que votre père est arrivé à la gare de Vivenice et vous êtes maintenant sur un site de charbonnage aussi, un site de mineurs, vous venez chanter. Il doit être fier de vous là-haut. Ah oui, là-haut il doit être fier parce que vraiment, il a tout mis en œuvre pour que son fils devienne un jour chanteur et il a bien bossé. Hein. Il était, il s'est déguisé en impresario. Les 500 premiers 45 tours qu'il a pressé lui-même, il allait les vendre dans les cafés. Il allait les vendre et tout ça. C'était extraordinaire. Je pense que s'il nous regarde, il nous regarde de là-haut et qu'il voit tout ce public, regarde là-bas, qui ont chanté Je t'aime à l'italienne, Mon cœur te dit je t'aime, et toutes ces chansons et les nouvelles, c'est magnifique, c'est vraiment un bonheur. Des anecdotes que vous racontez dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle c'est ma vie, vous racontez votre histoire. Oui, c'est ça, c'est mon histoire, cette histoire. Oui, vous racontez depuis le début, hein, c'est 50 ans de chansons. Le premier 45 tours est sorti en 1966. Il y a eu 35 millions d'albums vendus dans le monde. C'est une carrière incroyable, venu d'un petit village de Sicile où les parents de Frank Sinatra sont nés aussi. Oui, mais c'est un village très particulier parce que le grand-père et le père de Frank Sinatra sont nés à une rue de chez moi. Eux, c'était Via Gabriella et moi, c'était Via Enna. Et voilà, et bien sûr, Sinatra qui est né à Hoboken hein, en 1925 aux États-Unis. Et donc voilà, tout ça est une belle histoire et une belle réussite et j'en suis très fier. Oui, pourtant, vous avez commencé, on va dire, dans un village où on ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Votre papa, c'est pour ça qu'il est parti. Bien sûr. Votre grand-père allait au champ avec un âne. Il y a des photos dans le bouquin où vous êtes sur l'âne qui rentre dans l'église. Oui, mais voilà. Mais en fait, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 4 ans et demi avec mon grand-père. Quand je suis arrivé, bien sûr, en Belgique, je ne connaissais pas vraiment mon père. Et donc, voilà, un grand-père que je n'ai jamais plus revu de ma vie et qui m'a poursuivi dans tous mes rêves et dans toutes mes nuits pendant des années. Et voilà, c'est une belle histoire. Je suis très admiratif de ce père qui a tout quitté pour venir en Belgique. Bien sûr, pour lui, c'était l'Amérique. Il a découvert l'Amérique. Il a pu retrouver sa dignité et élever ses enfants et leur donner un futur meilleur. Et voilà, on doit tout à la Belgique et c'est magnifique. Oui, c'est un gars qui est reconnaissant, Frédéric François. Ah oui. Tout ce que vous écrivez sur la Belgique dans ce livre, c'est touchant. À l'heure où on se dispute on parle parfois de l'immigration, etc. C'est important. Ouais. Parce qu'il faut savoir que, à mon avis, sûrement 90% des Italiens, comme moi, ont marié une Belge et nos enfants. Moi, j'ai deux enfants qui sont belges et deux enfants qui sont italiens. Et donc, voilà, un jour, ils diront j'avais un grand-père qui venait de Sicile, qui a chanté des chansons d'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors, les femmes sont la lumière du monde. Vous en avez une devant vous, Sylvie Honoré. Oui, mais c'est la vérité. Elles sont la lumière du monde. C'est vrai, c'est cette douceur qui. Voilà, cet autre regard sur la vie du bon côté. Ah, c'est un beau titre pour mon émission, ça. Hein. Ben oui. À mon avis, ça ferait beaucoup témoigner les auditrices les auditeurs. Ah oui, voilà, bien sûr. Parce que les hommes, je pense, ont leur mot à dire et ont envie. Les auditeurs. Ah oui, voilà, bien sûr. Parce que les hommes, je pense, ont leur mot à dire et ont envie. Et voilà, le premier, les femmes sont la lumière du monde. Et puis, on va enchaîner avec un deuxième single qui va s'appeler À tous ceux qu'on aime. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Oui, c'est sûr, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas attendre qu'ils soient partis. Il faut le dire tout de suite. Ouais. Bien sûr que non. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Votre actu, c'est aussi le Tour de France. Vous allez faire des étapes. Vous serez la semaine prochaine à Pau, je crois. Oui, je serai à Pau pour l'étape du Tour de France. Et voilà, chaque année, je participe. C'est assez sympa. Oui, c'est bien, Frédéric, qui est un fidèle du beau vélo. Vous étiez venu aussi dans les cantons de l'Est il y a très longtemps. 10 ans. Je me souviens encore du chapitre. Oui. Et où j'avais chanté. Oui. Au château de Burkreland. Yes. Oui, j'avais admiré ce château. Oui. Frédéric, qui travaille aussi en famille parce que vos enfants vous accompagnent à la fois comme musicien, mais aussi comme graphiste, comme photographe. Il y a une espèce de clan Baracato autour de vous. Oui, j'avais pas prévu tout ça. Hein. Ouais, ouais. Là, je reviens, je disais, de la Côte d'Azur où je tourne justement. J'ai tourné avec Victoria le clip À tous ceux qu'on aime pendant 3 jours. C'est elle qui a tourné aussi le clip de Les femmes sont la lumière du monde. Et donc voilà, Victoria s'occupe des clips, elle travaille dans le cinéma. Elle vient de finir, elle a travaillé sur le film de Danny Boone qui va s'appeler, comme ça vous avez l'exclusivité, Red Dingue. Ah, d'accord. Et voilà, elle va recommencer bientôt un nouveau film. Vincent, qui lui est un musicien hors pair parce qu'il a fait des études aux États-Unis, il est très avec des goûts très américains. C'est lui qui avait fait l'orchestration de Et si l'on parlait d'amour, d'une rose dans le désert, de Chanteur d'amour, et aussi sur le nouvel album, il a fait des chansons. Bien sûr Didier Chapelle qui a fait beaucoup de chansons aussi, et Victor Gloria qui est peintre et qui s'occupe du graphisme et tout ça. Bon, si j'avais fait un peu plus d'enfants, alors j'aurais eu des musiciens, j'aurais eu un batteur. On aurait rajouté des minutes à l'émission. J'aurais eu un batteur, j'aurais eu un impresario, j'aurais eu... Cela dit, vous avez de la famille aux États-Unis et vous allez y tourner cet automne. Vous serez à Brooklyn, je crois. Voilà. Ouais. Alors cet automne, au mois de novembre, je chante à Brooklyn College, et puis à Boston. Voilà. C'est génial. C'est pas mal hein, pour le. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben non, c'est un beau parcours. Absolument. Un petit belge. On dit un petit belge, mais peut-être un grand belge. Oui, alors justement. Il va arriver aux États-Unis en disant voilà. Ouais. Pendant les matchs de Belge. Dites-nous franchement, Frédéric, le premier match de l'Euro. Sans mentir. Il faut que je mette ma main. Comme ça. Il y avait Belgique-Italie. Votre cœur allait de quel côté? Parce que vous êtes du côté du gagnant ou du côté. Franchement. Ils vont se rattraper. Je parle de la Belgique. Dites, on va se rattraper. Le match qu'ils ont fait dernièrement, le deuxième, voilà, ils nous ont montré qu'ils pouvaient. Et donc, voilà, on compte sur eux. Ouais. C'est la première fois de notre histoire qu'on peut aller très très loin. Oui. Parce que nous avons des stars dans cette équipe. Et qu'on ira très très loin. Et on ira très très loin. Ouais. Et donc, voilà, il faut les soutenir. Ouais. Vous étiez très proche, et il voulait toujours de Enzo Schifo. Bah oui, bien sûr. Enzo Schifo, il m'a dit que quand il venait à Tiller, voilà, il essayait de savoir où j'habitais parce qu'il était fan et tout ça. Un jour, je l'ai invité dans une émission avec Mitterrand. C'était C'est votre vie. Et voilà, il m'avait offert le maillot. Le maillot. Et voilà, j'aime beaucoup Schifo, vraiment. Vous savez qu'il n'est pas exclu qu'on se retrouve le 10 juillet avec une finale Belgique-Italie. C'est encore possible. Mathématiquement, c'est possible. Mathématiquement, on n'est plus dans les mêmes groupes. C'est possible. On pourrait. Et dans ce cas-là, parce que vous ne m'avez pas dit, vous tiendriez pour qui? Alors, voilà. Si on se retrouve en finale. Alors voilà, ma femme est à côté de moi parce qu'elle elle est très fan. Et moi, je serai à côté d'elle. D'accord. Et alors, voilà, il y aurait des coups de coude en disant « Waouh, t'as vu les Belges ?» Oui. Et moi, je dirais « Et t'as vu l'Italie ?» Non, mais notre cœur, voilà, il balance des deux côtés. Mais si c'est la Belgique qui gagne, c'est magnifique pour nous. Ah, ok. Ouais. Forza, la squadra azzurra, voilà, et vive la Belgique. C'est l'Italie, bah, que le meilleur gagne. Puis voilà. Mais ce serait sympa que la Belgique arrive pour une première fois à leur montrer qu'on existe. Oui, c'est sûr. Et ça, avec tout ce qu'on a connu cette année, ça ferait tellement de bien. Oui, ça ferait du bien, vraiment. Au moral des Belges. Merci beaucoup, Frédéric. C'est moi qui vous remercie. J'ai passé un très bon moment. Regardez, toute la place s'est remplie maintenant. Oui, c'est vrai. Vous avez fait venir le monde. Hein. C'est vrai, quand on est rentré la balade. En tout cas, j'ai arrêté de pluie. Oui, il pleut. Ah ouais, c'est vrai, chanter, ça. Il pleut de pluie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas singing in the rain. On a fait biking in the rain avec les vélos, mais vous avez chanté presque sous le soleil. Merci, Frédéric. Allez, c'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Ouais, j'adore les sourires, évidemment, hein, qui sont juste devant et les personnes qui sont tellement, tellement contentes. Pouvez-vous exprimer, parce que voilà, je pense que ça fait partie du show. Quand Frédéric François fait chauffeur de salle, voilà ce que ça donne. Et pourquoi pas commencer par là aussi un jour. Bon, il nous reste une bonne minute pour peut-être parler déjà du rendez-vous de la semaine prochaine, Adrien. Oui, nous serons dans ma ville natale, à Tournai, au pied de la cathédrale des cinq clochers antillais. Tournai qui a relooké un peu son centre-ville avec le piétonnier. Vous verrez ça, c'est très très joli. On fera une boucle d'une petite trentaine de kilomètres. C'est beaucoup plus plat qu'ici dans les cantons de l'Est, et on terminera à l'arrivée avec un concert de Grand Georges. Grand Georges, c'est une des révélations de cette année 2016, et il sera là avec ses musiciens, donc je crois que ce sera une très très belle journée. Et il y a Fabian Le Castel aussi, vous connaissez, l'imitateur, qui sera là. Il prendra la voix du bourgmestre, ça va être sympa, à mon ça. avis, et il prendra aussi la voix de Luc Varenne, pour les amateurs de Tour de France. Luc Varenne qui était tournésien et qui a son stade, hein, son stade Luc Varenne, juste à côté des studios de notre nos télés. Et à propos de nos télés, un petit coucou à notre consoeur Frédéric Thiébault, qui est journaliste là-bas et qui signe le tout nouveau livre du Beau Vélo de Ravel 2016. Tout ce que vous voulez savoir sur nos étapes se trouve dans ce livre paru aux éditions Weirich RTBF. Et ben voilà, tout est dit, je pense, pour cette étape ici à la Calamine. La suite, c'est le journal de 17h. Et puis allez voir toutes les photos. N'oubliez pas l'émission télé demain aussi sur la Une à 13h35. Bye bye, les ciao, amis. Ciao, Bella. Ciao, ciao, ciao. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. David Godefroy, excellente fin d'après-midi à tous. Les nuages se multiplieront demain matin, parfois accompagnés d'averses. Les lignes d'averses concerneront surtout l'intérieur des terres après-midi. Elles pourront prendre un caractère orageux à la mi-journée, maxima de 15 à 18, voire localement 19 degrés. Une nouvelle zone de pluie venue des îles britanniques devrait traverser la Belgique lundi. Quelques éclaircies seront possibles avant ou après la perturbation, mais ce sont des nuages qui devraient tout de même l'emporter. Le thermomètre indiquera 16 à 20 degrés. Coucou mon papa chéri, je t'ai emprunté ta carte bleue pour aller au centre commercial Crescendo. Pas besoin d'attendre les soldes, il y a déjà des avantages et des ventes couplées dans 23 magasins. C'est top. Dis, tu pourras venir me chercher? C'est boulevard des Gérardchamps à Verviers. Parking gratuit. Inscrivez-vous sur crescendo.be pour recevoir notre newsletter. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles Rigaud avisés. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles Rigaud. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio avant le 1er juillet. Mais peut-être qu'en passant avisé. T'as joué quoi comme signe astrologique pour ton Joker Plus? Poisson. J'aurais parié. Vif, sensible, créatif, mais oui, t'as tout du poisson. Ah mais non, moi je suis bélier, hein. Ah bon? Ouais, mais on était vendredi et vendredi c'est le jour du poisson. Aujourd'hui je vais jouer balance. Pourquoi balance? Mais parce que je commence un régime. Vous pouvez jouer à Joker Plus chaque jour. Par mise d'1,50€, vous avez une chance sur 3,88 de remporter un gain et de faire de ce jour votre jour. Joker Plus. Chaque jour est un jour de chance. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Deux nouvelles arrestations antiterroristes, l'une à Verviers, l'autre à Celles, près de Tournai. Il serait question de menaces d'attentat lors du match des Diables demain. Négocier au plus vite la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est la volonté des 6 pays pères fondateurs de l'Europe. Ils se sont réunis à Berlin. On ne connaît toujours pas le nom du premier qualifié pour les quarts de finale de l'Euro. La Pologne et la Suisse disputent en ce moment les prolongations. Le journal Franck Ruel, bonsoir. Bonsoir à tous. De nouvelles opérations antiterroristes ont eu lieu cette nuit. Deux personnes ont été interpellées. Elles devaient être entendues cet après-midi par un juge d'instruction. Il est à nouveau question de menaces d'attentat en lien avec le match de la Belgique prévu demain soir, Patrick Michal. C'est au départ une menace d'attentat dans un contexte de retransmission du match des Diables Rouges prévu demain soir qui était évoqué. Mais à ce stade, le parquet fédéral signale qu'aucune arme ni explosif n'a été découvert, pas de lien non plus avec les trois arrestations qui se sont déroulées la semaine dernière à Bruxelles. Les deux opérations cette nuit ont été menées en province de Liège et dans le Hainaut. Une perquisition d'abord à Verviers, c'était entre 2h et 3h du matin. Le suspect est âgé d'une vingtaine d'années, il est interpellé au domicile de ses parents. L'autre opération s'est déroulée dans le petit village de Celles, dans la région de Tournai. L'opération a ciblé un Belge converti. C'est d'ailleurs lui qui serait le principal suspect. On devrait savoir bientôt, à l'issue des auditions par le juge d'instruction, si des mandats d'arrêt seront délivrés. Et on vient d'apprendre que les deux hommes interpellés ont été placés sous mandat d'arrêt. Le travail a officiellement repris ce matin à la prison de Lantin. C'était la dernière encore en grève. Cela dit, l'établissement ne tourne pas encore à plein régime. Certains agents pénitentiaires sont toujours sous certificat médical. Il manque surtout des effectifs à la maison d'arrêt, une des entités de la prison. Le retour à la normale est prévu pour début juillet. En attendant, quelques 800 candidats gardiens de prison ont passé un examen aujourd'hui. Aujourd'hui, un examen organisé par le CELOR, l'organisme fédéral qui s'occupe du recrutement dans la fonction publique. On s'en souvient, à la suite de la longue grève des gardiens, le ministre de la Justice, Koen Gaens, avait promis de recruter de nouveaux agents. Fabien Van Eckhout s'est rendu sur place. Ambiance studieuse dans les locaux du Cellor, près de la gare du Nord. Des centaines de candidats face à leur ordinateur. 800 au total vont défiler par vague jusqu'au 30 juin pour espérer décrocher l'un des 386 postes vacants assistants de surveillance pénitentiaire. 4 épreuves informatiques en maximum 3 heures. Aurélie Damster, porte-parole du Cellor. Une partie où le candidat doit traiter des mails dans un certain ordre. Un test de planification où le candidat doit planifier les tâches d'une journée ou celles de ses collègues. Un test d'observation. Le candidat voit quelques fragments de vidéo et doit répondre alors à un questionnaire à choix multiples. Et enfin, des questions sur la réglementation, questions à choix multiples. À la sortie, les candidats ultra concentrés peuvent enfin souffler. Je trouve que c'est un rôle social. J'aime bien le contact avec les détenus, etc. Il faut des personnes qui font ça, sinon... C'est un boulot qui m'intéresse. Ils ont fait grève, entre autres, parce qu'il manquait de personnel. Donc voilà, je me lance. Qu'est-ce qui vous attire dans la fonction? Moi, je dirais la stabilité. De nos jours, avoir un employeur... J'ai deux amis aussi qui font ça et qui m'expliquent et ça se passe super bien. Je serais motivé pour faire ça. C'est très complexe et en plus on est minuté, donc franchement je ne sais pas du tout si j'ai bien répondu ou pas. On verra. Les lauréats après visite médicale pourront entamer un stage d'un an au SPF Justice, dans une prison et les centres de formation de Marnef ou Bruges. S'ils sont alors évalués positivement, ils seront engagés de manière définitive. 48 heures après de nouveaux orages destructeurs, après avoir raclé, nettoyé, tenté vaille que vaille de retrouver un peu d'ordre, les sinistrés attendent à présent les visites des experts en assurance. Pour certains, les inondations de jeudi sont une répétition d'il y a 15 jours. Faut-il s'attendre à des augmentations de primes ou de franchises? Sonia Boulanger a rencontré à Cours-Saint-Étienne Christophe Pierson, un courtier en assurance. Bonjour madame, je viens constater les dommages à votre commerce. C'est de la boue, oui, qui vient de la rivière. La blanchisserie aura 50 ans l'année prochaine. Non, je ne veux plus. Et vous n'allez pas déménager votre entreprise? Non, j'arrête tout. Il y a risque d'avoir moins d'acheteurs. Tout à fait, ça. C'est ça le problème. Moi, je dis qu'on construit trop. T'as plein de maisons que t'avais pas avant. L'eau, il faut bien qu'elle parte quelque part. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est la deuxième fois que vous venez constater. Mais une société de nettoyage est prévue pour justement venir dès lundi, en espérant que ça ne se reproduise pas dans 15 jours. Mais la deuxième étape, c'est une expertise pour déterminer et chiffrer les dommages. Les tarifs seront peut-être revus par après. C'est nous à défendre nos clients et envers les assureurs, mais ce n'est pas nous qui calculons les primes de toute façon. Est-ce que vous pourriez dire, moi c'est fini, je refuse d'assurer un client qui a déjà été sinistré? Mais les refus, ce n'est pas nous qui les transmettons, c'est de toute façon les compagnies d'assurance. Maintenant, il est arrivé effectivement.